Ok, ok. Ouais, c'est bon, j'entends bien. J'entends bien la voix, ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y, laisse. On va s'exprimer. On va s'exprimer sur ce beat. Bien comme il faut. Yeah, yeah. On va se régaler, on va faire les choses bien. Sans chaud, au bout du mic, c'est bon. Ok, ok, c'est parti. Jeter l'éponge à cette période de ma carrière. Impossible, car je suis bloqué entre deux barrières. Je peux pas faire cette raison que c'était de réaliser mon rêve. Ton cœur encore des portes compte sur moi pour que je les soulève. Le jour où le rap décède, je serai l'un de ces survivants. Parce que mes fils conducteurs ne sont pas faits à base d'argent. Parfois mon moral chute, tout comme le Niagara. Il remonte comme une mauvaise digestion de l'estomac. J'ai la tête sur les épaules, des fois elles partent de travers. À force de côtoyer des merdes, ces mouches, mais les transferts armés. Vous, t'es un bouclier en titane. Car j'ai des punchlines qui fracassent les crânes. Si tu vois ma silhouette dans un hooligan, galope car comme dans Worms, j'balance des bananes. Quand j'ai l'impression que tout me tombe dessus, ma plume sert de bâche. C'est avec mes mains que je l'ai conçu. Puis je te bâche comme un ballon. Tu prends trop d'altitude. J'ai pas plus vain si tu compares le hip hop à des études. Je me suis entraîné pour offrir tout le temps de nouveaux spectacles. Car chaque changement de temps, t'as l'impression que je commets des. Mes ennemis me payent la radio gratis. Ma hauteur les font forcément rentrer en contact avec mon pénis. Et mes steaks jusqu'à ce que j'ai plus de testicules. N'avale pas trop vite car je suis le créateur de la Red Bull. Tu vas me dire Gelouk, t'as les cojones, l'un taureau. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans chaud, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Garde à vous, vas-y, ta gueule. Style qu'on a rêvé. Depuis quand dans le rap faut se présenter avec un CV. Que de la haine qui règne dans les baladeurs. Déjà des avantages de base et entre stab dans les adducteurs. Trace-moi l'étiquette rappeur, accroche-moi cette artiste. Tu verras qu'on est pour le métissage. Aux couleurs de chaque piste on fera jamais ce que les gens attendent de nous. On fera en sorte d'en offrir pour chaque coup. Achète ce fameux masque contre ta griffe. Car on suit juste des victimes torticolaires. Parce que tu bouges la tête de l'avant à l'arrière. Ma vision n'est pas l'issue de secours des problèmes des humains. Servir de mouchoir face aux rhumes. Et la concurrence c'était Bordeaux qui a noyé plein d'hommes. Ils sont tellement surestimés que les vagues ont fait preuve de grand prix. Moi j'ai comme une corde qui m'éloigne pas trop loin du rivage. Avant d'aller nager au large, je m'équipe d'une bouée de sauvetage. Garde à bouca comme sans Gohan, je peux faire des exploits. Énervez-moi, c'est une force de pouce tout plein que je déploie. Je t'ai prévenu de stopper toute provocation. Je t'ai fait des signaux tout comme les interdits de la télévision. Vertu les tiens de pouvoir s'apprêter à anticiper l'attaque. Fais gaffe car notre silence peut rendre cardiaque au surgissement. On fait pas les choses à moitié. On assume avec fierté ce que dégage notre boîtier. Mais je sais de qui qui avait fait le geste en boîtier, hein. C'est ça, j'ai un équipe du camp, hein. Mais c'est que je vais faire quoi? On va donner du pain. Tu vas produire dans la beca. Dans la beca, hein, Lenny. Garde à vous, vas-y, ferme ta gueule. Pensez au clash ou quoi, t'as vu? C'était des petits punchlines. Pour ceux qui kiffent, pour ceux qui se régalent, et puis le reste. Humpy!